Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. C'est la chronique NFL et Marc Diquet est toujours en vacances. On va recommencer avec lui la semaine prochaine parce que Marc il arrivait de Cincinnati. Mais là, évidemment, c'est notre frappeur, un autre de nos frappeurs de relève, Pascal Masson, qu'on connaît très bien, Pascal, qui fait la Ligue canadienne avec moi, mais que j'ai connu comme analyste à RDS pour la NFL. Salut, Pascal. Salut, Dan. Pascal, la grosse nouvelle de la semaine, c'est selon certains médias, mais c'est pas encore, me semble, officialisé. J'ai pas vu que c'était officiel. Roger Goodell, qui a obtenu son contrat, 200 millions, c'est de l'argent en temps. Roger Goodell vaut-tu 200 millions? Écoute, c'est sûr que qui vaut 200 millions personne. Dans la vie? Ouais. Je veux dire, même le président du monde entier, il existait. Je veux dire, sauf que si une machine aussi grosse que celle de la NFL a 200 millions à donner à quelqu'un, ben tant mieux pour cette personne-là. Sauf que j'ai de la misère à... Tu sais, j'ai de la misère à concevoir que quelqu'un vaut 200 millions et que si on lui dit, je sais pas moi, non, M. Goodell, on vous donne pas 200 millions, bon, mais c'est bon, je vais aller appliquer un autre job pour 8 millions. Tu sais, je sais pas, j'ai de la difficulté à comprendre tout ça. Mais en même temps, écoute, il n'y a jamais eu autant de... Il y a de l'argent, mais en même temps, tu regardes ça, les baisses d'assistance, t'as le marché de Los Angeles qui est plus ou moins concluant. Après ça, tu as toutes les histoires avec Tom Brady, les histoires avec le porteur de ballon des Ezekiel Elliott. La NFL paraît mal dans certaines situations. Tu as le dossier des commotions cérébrales qui a réussi quand même à régler, mais il a pas très bien paru non plus. C'est de l'argent, mais en même temps, oui, la NFL est une machine à imprimer de l'argent, mais c'était une machine à controverse aussi. Là. Non, ouais, c'est sûr, c'est pas un marché évident. C'est pour ça que ça prend quelqu'un qui a les reins solides pour mener cette organisation-là. Cependant, encore là, est-ce que 200 millions, c'est justifié par tout ça? Je suis pas certain. OK. Bon, on va y aller avec maintenant de dossier football, les Browns de Cleveland. C'est une organisation qui va finir par avoir la lumière au bout du tunnel. Là, c'est incroyable. Tu sais, il y a des organisations dans le sport qui sont nées pour perdre, on dirait. Puis c'en est une. Depuis que les Browns sont revenus une équipe d'expansion, on sait qu'ils ont été quelques années sans avoir vraiment du football à Cleveland. Avant que les Browns, qui sont devenus les Ravens, redeviennent finalement... Ça n'a jamais levé, cette organisation-là. Puis là, les Browns, comme je dis, le directeur général, Sashi Brown, cette semaine, mais ils ont encore un vote de confiance à Hugh Jackson. Mais ouais. Tu sais, on le voit dans le sport, peu importe l'organisation. Une bonne organisation, ça commence par le propriétaire. Pour moi, mon équipe favori, c'est les Pats. Robert Kraft est extraordinaire. Et ça va jusqu'au directeur général et l'entraîneur. Mais là, le problème est plus profond que le DG, je pense. Le problème chez les Browns de Cleveland, c'est que c'est le jour de la marmotte à chaque année. Mm. On fait des mauvais choix au repêchage malgré le fait que on a des bons choix, qu'on ait des choix hauts. On n'est pas en mesure de développer nos choix au repêchage. Donc on n'est pas en mesure de bâtir notre jeunesse puis une équipe. Regarde Jacksonville, qui ont misé, eux autres, sur bâtir leur défensive avec des jeunes joueurs. On s'est créé une identité, puis cette année, ça commence à payer. Chaque équipe, on dirait qu'on se garoche un peu partout du côté des Browns année après année. Donc, on n'est pas en mesure de voir des résultats. Et on fait un move en congédiant notre DG en espérant peut-être que lui sera en mesure de mener la baraque un peu mieux, là, mais c'est difficile. C'est plus que difficile. Les Browns de Cleveland, là, puis tu sais, je veux dire, ils s'appellent les Browns en plus. C'est comme tout va avec, là. Ouais. À New York, on a congédié, on a fait le ménage cette semaine. C'était prévu, c'était pour savoir si maintenant ça allait se faire quand. C'était juste savoir quand. Puis ça s'est fait cette semaine. Est-ce que on savait qu'il allait être congédié, mais le fait qu'Eli Manning qui a pris une décision quand même courageuse, mais c'était une décision, écoute, je pense pas que Manning méritait ça, là. De la manière qu'il a géré aussi cette crise-là, est-ce que ça a fait ça l'a avancé son congédiement? Ben, ça l'a avancé son congédiement qui aurait dû être fait il y a plusieurs semaines, selon moi. Ouais, OK. Ça fait longtemps qu'on entend les dire que le vestiaire, que Ben McAdoo a perdu le vestiaire des les Giants. Puis les Giants, en début de saison, n'étaient pas classés pour être une équipe de 2 victoires, 10 défaites. Là. Non. Moi, j'ai même hésité entre eux et les Seahawks pour aller au Super Bowl, là. C'est ça qui c'est sûr que la perte de Odell Beckham pouvait faire mal en début de saison, mais c'est la gestion des entraînements punitifs, des ouais. Tu sais, il a géré c'est pas une équipe de high school, là, c'est une équipe professionnelle, puis je trouve que McAdoo a pas j'ai pas nécessairement apprécié son passage comme entraîneur-chef et cette année particulièrement a peut-être tenté, je veux dire, fameuse expression qui risque rien à rien, là, peut-être ouais. tenté quelques risques afin de shaker le pommier de cette équipe-là, mais ultimement, la décision de mettre sur le banc Eli Manning était une des plus mauvaises décisions qu'on a pu voir cette année par un entraîneur-chef. Ouais. Est-ce que tu penses que Manning va rester à New York? Est-ce que tu penses que ses jours sont comptés? Ben, j'espère qu'il ne restera pas à New York. Mais non, hein? J'espère qu'il va aller dans une équipe qui va être mieux encadrée. C'est un bon carrière, là, Manning. Mm. Et il peut aider une équipe qui ce qui leur manque, c'est un carrière d'expérience. Je pense que les Jaguars de Jacksonville, c'est l'équipe. Ben, tu sais, je pense aux Jaguars de Jacksonville, effectivement. On peut penser, tu sais, je veux dire, avec les Dolphins de Miami. Ouais, C'est sûr que Tannehill qui est blessé, qui est là, mais tu sais, les Dolphins, ils ont quand même 3 receveurs super performants. On peut penser à plusieurs équipes, là, vite comme ça, mais. Eli Manning, je pense qu'il faut qu'il se donne un dernier souffle ailleurs. Là. Ouais, c'est clair. Parce qu'il reste encore 2-3 bonnes années de football. Là. Je dirais, 2-3 années peut-être. Ouais, un peu comme on a vu dans l'école, on a vu Peyton Manning, on a vu Brett Favre, on a vu Joe Montana, des vétérans qui sont en fin de carrière et qui sont allés bien terminer. Les matchs de la semaine. Je pense que le match de la semaine, c'est Oakland contre Kansas City. Écoute, il y a vraiment beaucoup de bons matchs en fin de semaine. On a le droit à une fin de semaine là, incroyable. On peut avoir un avant-goût là, de série, de qualité, de match de qualité de série. Oakland-Kansas City fait partie des matchs que j'ai ciblés pour regarder en fin de semaine, pour suivre en fin de semaine. Parce que c'est deux équipes. L'équipe qui va gagner va prendre une avance là, sur le wild card. Là, pour le AFC. Comment tu freines une débandade totale? C'est la débandade totale à Kansas City. Kerry Young, qui était un joueur, écoute, on s'en allait vers le recul de l'année, et plus l'ombre de lui-même. C'est incroyable, là. Parce que, c'est sûr que si ça n'arrête pas, Andy Reid perd son poste, c'est clair, net et précis. En plus, dès le début de la saison, là, on était tellement impressionnés. Moi, c'était surtout la façon qu'on utilisait les joueurs à l'attaque, les Tyreek Hill, Kelsey, on utilisait DeAndre Thomas, Kerry Monk, on les utilisait d'une façon un peu style universitaire américain, avec beaucoup de motion, des receveurs qui venaient prendre des ballons comme porteurs de ballons, des porteurs de ballons qui se transformaient en receveurs de passe. On a même utilisé Kelsey comme dans des screens, là, dans des passe-pièges. C'était intéressant, ça bougeait, c'était dynamique. Et là, pour quelle raison? Bon, il y a eu la blessure à Laurent Duvernay-Tardif, qui, moi, je trouve, a paru. Ça a paru quand il s'est blessé. Parce que non seulement c'est un Québécois qu'on chérit, qu'on aime beaucoup, mais c'est un, sinon le meilleur garde de la NFL. Ça. Donc ça a paru, cette blessure-là. Il est revenu au jeu et on a comme devenu un peu plus statique offensivement du côté des Chiefs. Et il faut retrouver notre fougue, là, notre dynamisme qu'on avait. Et c'est une belle occasion contre les Raiders d'Oakland, de reprendre un peu. C'est juste qu'on échappe tout le temps des matchs. Là, on se fait pas déclasser. On échappe des matchs qu'on devrait pas. Mais les Raiders d'Oakland, en ce moment, ont un peu le vent dans les voiles. Ils jouent mieux. Ils jouent beaucoup mieux. Carr a repris plus de momentum. Donc ça, c'est un match très intéressant à regarder ce week-end. Évidemment, il y avait Nouvelle-Orléans, Atlanta, qui était un bon match hier aussi, en passant. Hein. Et voilà, les Falcons qui ont eu une grosse victoire pour trouver une fiche de 8-5 contre une bonne équipe qui est celle des Saints. Tu sais, un match comme Minnesota-Panthers en fin de semaine, c'est deux bonnes équipes qui s'affrontent. Philadelphie contre les Rams, ça va être génial. Match qu'il faut avoir un œil, là, c'est Seahawks-Jacksonville. Parce qu'on regarde la fiche des Eagles. Là. Ouais. Tu sais, dans le Power Ranking, on les met tout le temps deuxième, troisième. Mais regarde leur fiche, c'est tout contre des équipes perdantes, la plupart. Non, c'est sûr que on peut analyser les Eagles puis essayer de les rabaisser un peu. Mais malgré tout ça, cette équipe-là mérite sa position en ce moment. Et c'est une équipe que, oui, on n'a pas joué nécessairement contre de bonnes équipes. Mais moi, je crois que les Eagles, c'est vraiment une équipe qui joue bien, autant offensivement que défensivement. Et malgré leur dernière défaite, je compte les Eagles comme... mais en fin de semaine, contre les Rams, on va voir vraiment ce que les Eagles ont à nous offrir. Et je suis convaincu qu'ils sont en position pour gagner le match. OK. Pascal, on se reparle. Les Alouettes vont nommer leur entraîneur bientôt. On va s'en reparler. Sinon, autour de la Ligue canadienne, durant les fêtes. Super. Notre collaborateur, Pascal Masson.